Salut à toutes et à tous, on va se marrer. Alors on va se marrer comme chaque semaine. Et alors vous avez compris que cette semaine il y a de l'ambiance. Oui, les vieux sont pas là. Voilà, donc il va y avoir du bordel. Là, Frédéric m'avait prévenu. Je sais pas pourquoi, oui, je t'avais prévenu, j'en étais sûr. Alors oui, on vous le dit, les vieux sont pas là. Donc il y a deux vieux d'habitude, Maurice et Bob. Ils sont pas là ni l'un ni l'autre. Donc ça va pouvoir être la fiesta. On les a remplacés par des jeunes. Et puis des moins jeunes, puisqu'il y a Fred. Oui, c'est ça, oui. Pourquoi ils sont pas là? Parce que... Oui, parce qu'ils ont eu peur. Parce que Maurice est Ricard et Bob Ricard. On voit que vous venez d'entendre. On va se marrer. Bon, alors la voix que vous avez d'entendre, la première, c'est Laurent Viollet. Ouais. Bravo. On va se marrer. Bon, et Laurent, tu viens nous voir aujourd'hui quand même pour un truc extraordinaire. Non, je suis monté vous voir. Oui, c'est vrai. Je rappelle aux auditeurs qu'on est au dernier étage, c'est-à-dire au 7e, sans ascenseur. Voilà, on précise. Donc Laurent, tu es venu nous voir pour un truc exceptionnel qui se passe sur Paris actuellement et que tu organises et que tu soutiens, c'est le Candidator. Que j'organise surtout avec mon ami René-Marc Gage, et heureusement qu'il est là parce que Candidator n'existerait pas, je l'avoue. Alors René-Marc aussi. Merci, est là. Bonsoir, René-Marc. On va se marrer. Hey, moi je dis, on se casse, on leur laisse les micros ouverts. Pas con, Marc. On leur laisse les micros, on va se casser. Donc quand... bien, là on avait quoi, 4 minutes là. Oui c'est bon, vas-y. Bon. On tient le bon bout, voilà. Alors vous avez René-Marc et Laurent amené en plus une jeune fille charmante. Ah oui. Alors que fait cette jeune fille? Alors si on le savait, c'est pour ça. Elle s'appelle Ida Lou, on vient de. Et on lui a dit en bas. Oui. Tu montes. Ida est notre Ida est assistante metteuse en scène, elle va se présenter et c'est notre assistante sur Candidator. Bon, bravo. Ouais. On va se la faire. Attends, qu'on entende un peu oui, sa voix charmante. Oui, bonsoir tout le monde. Et alors, en plus, donc, Candidator, mais vous allez nous expliquer ce que c'est quand même, vous avez amené deux Candidator, deux vos spécimens. Jeunes talents, on peut le dire. Ah ben oui, je crois, enfin, on va le découvrir dans l'émission. Alors, le premier. Alors, on va commencer par Guillaume Muller, qui a 19 ans. Ah, bravo. Bonjour. On va présenter Guillaume. Oui, alors Guillaume. Bonsoir. Guillaume, qu'est-ce que tu fais, toi? Alors, Candidator, tu as fait quoi, Candidator, pour être retenu? Alors, Candidator, je suis arrivé au 4e Candidator et j'ai interprété Amsterdam de Brel. Donc, tu chantes? Voilà, je chante. Et depuis, je ne quitte plus l'équipe de Candidator. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et alors, votre deuxième spécimen ce soir? Alors, nous avons une autorisation des parents. Ah oui. Puisqu'il a 15 ans. Oh! Il écrit lui-même ses sketchs et c'est Lucas Véran! Bonsoir! Ouais. Bienvenue, Lucas. Merci. Alors, il paraît que c'est ta première radio. Ouais, effectivement. T'as jamais été à l'hôpital avant? Oh! Excusez-moi, j'ai fait la classe. Excusez-moi, j'ai fait la classe. Nous sommes désolés, Lucas. Nous ne savions pas que nous t'amenions dans un truc un peu. C'est pas une usine de fou, ici. Bon, alors, l'émission, quand même, je le dis tout le temps, l'émission est réalisée par David chaque semaine. Bravo! Et vous l'avez compris, il y a également dans l'émission. Il n'a pas été sélectionné à Candidator. Il a fait Candidator. Oui, il a fait, mais il a été rejeté. Non. C'est Frédéric Koester. Il faut que je vous signale que cette émission est présentée par le gros con national de Philippe Bello. Il a obtenu ce titre de haute lutte. Alors, Candidator, maintenant qu'on sache un peu de quoi il s'agit. Alors, Laurent, explique... Non, parce que j'adore quand il explique, Laurent, la base. Ça va n'intéresser personne. Mais si, quand même. Puisque j'ai 200 minutes. Et qu'il en reste 198. Voilà. Il était une fois... Tout a démarré pour moi en 1985 à Paris. Vous vouliez deux vieux, on a deux vieux. Paris, je sais pas si vous savez, parce que c'est de l'autre côté. Oui, on s'excuse, on est en province. Voilà. Et donc, donc il y avait une salle ouverte qui s'appelait un théâtre, surtout c'est l'ancien Splendide qui s'appelait le Tintamarre, où le samedi après-midi il y avait une scène ouverte qui s'appelait la Timbale et qui était organisée par Jean-Baptiste Play. Et je suis venu, on pouvait venir, on faisait n'importe quoi, voilà. Bref, on faisait soit une chanson, soit un sketch, soit machin, et on, si les gens avaient des pantoufles, et est-ce que je me fais bien comprendre? Ah oui, jusque-là, jusque-là, tout est très clair. J'ai l'impression de parler dans le vide. Alors, donc, et donc, si ça plaisait aux gens, on pouvait faire un deuxième, si ça ne plaisait pas aux gens, on recevait des pantoufles, les gens jetaient les pantoufles sur scène, au bout d'une dizaine de pantoufles, on était virés, mais on avait le droit de revenir la semaine d'après. Et c'est là que j'ai rencontré mon ami René Marc Gage, et c'est là qu'on a vu toute cette génération de grands comiques. Ah, mais nous étions avec Chantal Latsou, Pierre Palmade, Anne Romanoff, Éric Thomas, il y en avait beaucoup d'autres. Tous ces gens qui étaient du théâtre de Bouvard, ouais, qui jouaient aussi. Il y avait Smaïn qui jouait. Il y avait Smaïn, l'aspect chevalier. Lim, Clémentine Sélarier, ouais. Véronique Geneste. Mais oui, qui a démarré au Café Théâtre. Véronique Jeunesse. Mais ouais. Mais après ça, elle a ouvert un magasin Bata, non? Exactement. Et donc, pour terminer là-dessus. Un peu d'infomane, comme... Véronique Jeunesse. Ah, je sais pas si vous pouvez le garder. Je le note. Mais j'ai des souvenirs de Café Théâtre où, Non, elle, c'est un peu... carrément une... Je crois qu'on peut le dire. Je rappelle que cette émission est montée. Non, c'est Véronique Jeunesse qui est montée. On va se marrer. Alors, si elle est montée, Jeunesse, on va la démonter. Et nous, laissez finir Laurent Violet. Oui, attendez, c'est vrai. Nous, on va avoir un procès. Moi, j'ai démarré ma carrière, si on peut appeler ça, au Tintamarre avec René Marc en 85. Et ça c'est resté au fond de moi. Et quand, au feu de la rampe, parce que Candidator se passe au feu de la rampe, le propriétaire, Frediana m'a proposé de venir jouer, que je vienne jouer mon spectacle. J'ai dit, écoute, je préférais faire une scène ouverte parce que je suis plus tout jeune. Je me suis dit, tiens, autant passer le relais et refaire une scène ouverte comme là où on a débuté. C'est-à-dire sans, parce que j'ai remarqué que les scènes ouvertes à Paris, il y a des gens qui se prennent un peu comme Jean Benguigui. Il n'a pas encore dit de mal de Jean Benguigui. Non, mais rien que de prononcer le nom d'elle. Ah oui, c'est vrai. Toi qui intentes le procès, là. Ah oui, là. C'est la SPA. Attendez. Moi, Jean Benguigui, et ça, j'aimerais bien qu'on le coupe pas. Ce que je vais dire, Jean Benguigui, c'est déjà fait. Ce que j'aimerais. Vas-y. Jean Benguigui, non, je supporte pas qu'on plaisante sur Jean Benguigui, parce que Jean Benguigui et moi, si vous voulez, c'est comme un frère pour moi, Jean Benguigui. Moi, Jean Benguigui, moi, je l'aurais caché pendant la guerre, moi, Jean Benguigui. Non, je l'aurais caché pendant la guerre. Et puis aujourd'hui, je lui dirais que la guerre, elle est toujours pas terminée. Ça, c'est fait. Et alors, Candidator, c'est tous les dimanches à 20h au Théâtre des Feux de la Rampe dans le 9e arrondissement à côté des Folies Bergères. Et c'est tous les dimanches pour tout le monde. On a des gens qui viennent de partout, de province, de Belgique. Je dirais pour Belgique, tout le monde et n'importe qui, la et preuve, pour je tout suis le monde. Passé. Mais il n'y a pas d'audition, Laurent l'a voulu. Donc, voilà, c'est ça que... Voilà, c'est ça, j'étais parti là-dessus avant que... Que Fred dise du mal. Non, c'est que les scènes ouvertes parisiennes, comme le fil qu'on respecte, qui a du succès, parce que ça fait plus de 20 ans que le fil existe, il n'y a aucun souci. Mais il y a des sélections. Et nous, à Candidator, moi j'ai voulu, et puis avec René Marc, on a voulu que ça se passe comme ça se passait au Tintamarre à l'époque, l'ancien Splendide, à la Timbale. Vous venez, vous passez. Il n'y a aucune censure. Donc les gens s'inscrivent à 5h30 au café, 17h30 en face des Folies Bergères, et puis à 20h ils sont sur scène. Et ils ont droit de faire entre 3 et 5 minutes, il n'y a pas de censure, ils font ce qu'ils veulent et on accepte tout. Et donc si en région il y a des jeunes talents qui se sentent de venir à Candidator... Qui restent chez eux. Et qui viennent, qui montent non, à Paris. Non. C'est donc dans le 9e, tu l'as dit René Marc, les Feux de la Rampe, Rue Saulnier. Et c'est tous les dimanches à 20h et ça voilà. Délire bien. Et c'est comme ça que nous avons rencontré les deux talents que nous vous présentons aujourd'hui, qui ont effectivement du talent, parce que parmi les gens qui viennent faire n'importe quoi, où nous intervenons sur scène avec Laurent et beaucoup d'autres comiques, tu peux en témoigner Frédéric, il est évident qu'il y a des talents qui émergent. Et les deux que nous vous présentons ce soir, ce sont des talents qui sont en train d'émerger. Ben moi, bon. La semaine où je suis passé à Candidator, c'était la première scène de Guillaume, justement, où il a chanté Amsterdam, et c'était bluffant. Bon, alors moi, je propose justement à nos auditeurs de marquer une courte pause. Ça veut dire qu'on est déjà chiant, c'est pas ça du tout. Truc. Et non, parce qu'on a des impératifs nous aussi, et de marquer une courte pause et de retrouver juste après cette pauvre Guillaume qui va nous parler un petit peu de ce qu'il a fait, de son expérience à Candidator. Eh bien, avec plaisir. Allez, restez avec nous, on revient avec Laurent Violet et toute l'équipe de Candidator. Ouais. Avec Laurent Violet et l'équipe de Candidator. Ouais. Oui, c'est vrai, Laurent, tu viens faire la promo de ton spectacle que t'as joué hier, il paraît. Oui, au théâtre de Jazet. C'est extraordinaire quand même. Alors, c'est pour faire regretter aux auditeurs de pas être venus. C'est un nouveau concept. Ah. On a oublié de préciser que la marraine de Candidator, c'est Frigide Barjot. Oui, qui était en première partie de Laurent Violet hier au théâtre de Jazet, ouais. Ouais, elle aussi, elle a joué qu'hier. il n'ose pas le dire par humilité, c'était pour fêter les 25 ans de carrière hier quand même. Oh, ça s'applaudit. 25 ans de carrière. Ah mais ouais. Je m'inscris en faux, ce ne sont pas 25 ans de carrière, mais 25e année de triomphe. Oh, oui. Alors, ce qui est extraordinaire, et ça aussi, il le dit pas, mais c'est qu'il met sa notoriété, son talent et puis tout ce qu'il sait au profit de jeunes donc que vous découvrez à Candidator. Et ce soir, vous nous avez amené donc à côté de toi, Guillaume Muller. Ouais. Alors Guillaume, on va t'entendre un petit peu quand même. Alors Guillaume, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller à ce Candidator? Alors déjà, je suis arrivé à Paris en fin août 2011, au départ pour le théâtre, et j'avais Laurent Violet comme ami sur Facebook, et j'ai vu qu'il faisait Candidator. Comme Facebook. Alors, mais t'as des amis sur Facebook? T'as encore des amis, Laurent, avec toutes les saloperies que tu dis? Non, mais j'ai jamais attaqué les petits garçons. Et j'ai donc découvert Candidator et je me suis dit, mais c'est quoi une scène ouverte? Et donc, je me suis dit, tiens, je vais aller m'inscrire. Oui. Mais je me suis dit, évidemment, si je m'inscris à une scène ouverte, c'est pas pour faire du théâtre, c'est pour chanter. Oui, parce que tu prends des cours de théâtre quand même. Je prenais des cours de théâtre. J'ai arrêté il y a un mois. D'accord. Bah voilà. Merci. Voilà, pour me consacrer pleinement au chant. Merci. merci de me faire passer pour un con. Donc, tu as été à Candidator. Tu as chanté une chanson. Oui, Amsterdam, de Brel. Et ça s'est très bien passé, même. Très, très bien passé. On avait des frissons dans la salle. Frédéric était moins, il était là ce soir. Ah, c'était impressionnant. Voilà, et après, depuis, ça m'a encouragé à faire mes propres compos. Oui. Avec des textes qui sont écrits pour moi. Alors, du coup, il a écrit Vesoul. Bruxelles. Et Bruno Cocatrix l'a repéré. Là, il a la carrière que tout le monde connaît. Voilà. Et il va mourir. D'un cancer du poumon. Oui, mais aux îles Marquises. Alors qu'il l'a jamais fait. C'est terrible. Bon, essaye de faire ta promo quand même, Guillaume. Te laisse pas perturber. Alors, Candidator. Alors ensuite, t'as été repéré, tout se passe bien. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une suite à tout ça. Oui, voilà. Alors, on a joué dans une salle qui s'appelle le Kibélé. Alors, ça s'appelait des soirées coup de pouce. Ça s'appelle toujours des soirées coup de pouce, sauf que maintenant, je n'en suis plus là. Ça va vite, hein. Avec René Marquegage. En 5 mois. Et donc j'en ai fait deux, j'allais faire une blague, mais non. Si. Vas-y, par rapport à coup de pouce. Non, donc parce qu'il disait, à l'époque ça s'appelait coup de pouce, là, maintenant ça s'appelle comment? Maintenant que vous vous connaissez mieux. Et donc Guillaume, tu as... Bon, on va y arriver à ta promo, Guillaume. On va y arriver. Donc, j'ai fait deux soirées coup de pouce, ça s'est très bien passé. Oui. Donc, deux demi-heures de spectacle. Et maintenant, avec ces deux demi-heures, je suis capable de faire une heure. Et ça sera le 26 mars au Kibélé, à 20h. Ah, le 26 mars, une heure de spectacle. Ouais, une heure de spectacle. Oui, propres compos. Parce que, excusez-moi, ils font 3 à 5 minutes à Candidator, c'est un peu comme un filtre. Ensuite, les meilleurs que nous trouvons, nous avons trouvé cette petite salle qui s'appelle le Kibélé, qui permet de faire des programmations sans dépenser trop d'argent. C'est une petite salle de 60 ouais. places, un bar-concert en plein milieu Super. De Paris. Ils font une demi-heure, parce qu'on peut les voir sur une demi-heure, et ils construisent progressivement leur spectacle. Donc Guillaume est l'un des premiers à nous faire une heure de spectacle après avoir fait deux demi-heures le 26 mars prochain dans le 10e à Paris. Bah alors moi, je propose une chose, puisque les auditeurs maintenant veulent entendre un petit peu ce qu'est capable de faire Guillaume. Eh bien, allons-y. A cappella. Oui, non, ici même. Il va chanter. Ah, j'ai cru qu'il a sa musique. Jeu de mots, excuse-moi. Non, il a sa musique, il a tout ce qu'il faut pour chanter. Ah, non, il a un enregistrement. Alors, Laurent, c'est le titre de la chanson. Attends, tu te rends pas compte, il a déjà tout le mec. Il est venu équipé. Il a tout. Alors, super équipé. Tu vas nous chanter quoi, Guillaume ? Une chanson. Mon beat à dudule. Non, ça ferait plaisir à Laurent Violet. Non, pourquoi tu... Non, ce que j'ai aimé, c'est quand on t'a posé la question. Qu'est-ce que tu nous as chanté? Tu nous as dit une chanson. Oui. Là, on sent le gars qui a du métier. Voilà. Parce que si t'avais dit vous chantez une voiture. Voilà, vous m'avez pas laissé. Donc, une chanson. Bon, alors une chanson. Une chanson, une compo qui s'adresse à mon chanteur préféré. Et ce chanteur, c'est Renaud. Donc la chanson, elle s'intitule Renaud revient. Et c'est Et quand je disais, il vient nous chanter une voiture. Bon, allez, on laisse la place sur la scène à Guillaume Muller et sa chanson, donc Renaud revient. Ouais. Ouais. Tu renonces à nous et à tes succès. On te doit, c'est dingue, un manque invincible. Reviens-nous très vite, oublie tes excès. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas jugé. Rappelle-toi le soleil, les sommets franchis. Tu t'es fait avoir, t'as été grugé. Qui est responsable si maintenant t'en chies? On n'y est pour rien, ne nous fais pas le coup de nous planter là comme d'autres avant toi. T'en as sûrement marre, t'en as jusqu'au cou. On n'en revient pas, on est tout pantois. Laisse tomber tes œillères et sors de ta tanière. Ne te résigne pas, ne t'abandonne pas. Plus aimé qu'énervant pour tes fans si fervents. Renonce à être aphone ou fais-le pour Malone. Comme tous les rebelles, tu es un peu fou. T'aimes tes vieux démons et tu te rejettes. Tu ignores ainsi l'amour qu'on te voue. Alors laisse ce zinc là où tu végètes. T'es-tu pas perdu trop dans la déglingue? Par Brassens tu as été estimé. Reprends ce que tu as appelé ton flingue. Depuis longtemps tu es légitimé. Et docteur Renaud, tu casses la baraque. Tu en as vu d'autres, ne baisse pas les bras. D'accord, t'es pas bien, ben oui t'es pas traque. Retrouve la santé que tu délabras. Veux-tu bien que j'épluche ce texte que nous aimions? Où tu t'en sais, Coluche et ce putain de camion? Que fais-tu aujourd'hui? Vas-tu nous planter là? Qu'est-ce que tu reproduis? À quand le prochain gala? Coluche s'est vautré avec sa moto. Tu l'as donc chanté pour toi, qu'en est-il? Dans quoi tu te vautres? Arrête mon poteau. Oui Renaud, reviens, t'es toujours utile. Si ce n'est pour nous, que ce soit pour toi. Te traite pas de monstre et reprends ta place. Ne pense surtout pas que l'on s'apitoie. Ne rien dire serait vraiment dégueulasse. Et ne chante plus si t'en as assez. Mais ne bousille pas ta vie, ton honneur. Cherche plutôt à te débarrasser des entraves à tes moments de bonheur. Chante Bruno chanter dit la folie qui es-tu pour des textes inédits. Reprends ton flingue et tu tues aussi le cafard. Élimine le bourdon, fais la nique au soifard et laisse vivre tes dons. Tue aussi le cafard, élimine le bourdon, fais la nique au soifard et Renaud laisse béton. Hey, hey. C'est de la création, hein. Ah non, c'est bien. De la création pure. Très bien, hein. Très très bien. Et donc, ouais, alors, Okibélé, donc ça, c'est le 26 mars. Ouais. Dans peu de temps. À 20h. À 20h. Et bien, alors, on voit en plus que t'es déjà à la page, t'as le site internet et tout. Ouais, www.guillaumemuller.com. Et là, on peut retrouver déjà des infos sur toi. On peut retrouver même des chansons, toutes les vidéos que j'ai, que ça soit sur scène ou que j'ai fait moi-même, mes actualités, etc. Toute ta biographie. Exactement, j'ai ma ton biographie. Ton premier biberon. Non, mais il y a Laurent Violet marqué dans ma biographie. Ah, ah. Et moi, j'aime bien la fiche. Évidemment. Ouais, j'ai demandé à Guillaume de mettre récital sur la fiche. Ouais. Ça te touche, Fred ? Je trouve que la photo est très bien. C'est, voilà. Allez voir. Sur Facebook, je suppose qu'on peut te retrouver. Sur Facebook aussi, oui. Voilà, donc n'hésitez pas. Et allez voir cette affiche, elle est très belle. Et puis, récital, faut qu'on aille voir. Récital, hein. Parce que tu as 18 ans, c'est ça ? 19. 19. Eh oui. Il venait d'avoir 19 ans. Je suis un homme maintenant. Moi, mon affiche, quand j'avais 4 ans, c'était Amidale. C'est pas mal. Et tu as quitté Bordeaux. Tu as quitté Bordeaux il y a 6 mois, en fait. Voilà. Bordeaux au singulier qui fait Bordal. Alors que toi, Philippe, tu ne quittes jamais le Bordeaux. Non, moi, il est pas gêné, là. Bon, alors dans quelques instants, on va faire connaissance avec votre deuxième invité quand même, Lucas Véran, qui est avec nous et qui est là pour nous faire un petit sketch et puis nous parler aussi un petit peu de ce qu'il a fait à Candidator. Ouais. Mais ça, c'est juste après cette courte pause. On est obligé syndicalement de marquer une courte pause. Donc restez avec nous, on revient avec Laurent Violet et l'équipe de Candidator. À tout de suite. Retour dans se marrer. Il y a une ambiance. Alors avec Laurent Violet qui est avec nous. Ouais. Je le rappelle, René-Marc Gage. Ouais. Guillaume Muller. Ouais. On a entendu chanter il y a quelques instants. Et alors notre invité qu'on n'a pas encore entendu, c'est Lucas Véran. Ouais. Donc j'ai une autorisation des parents. C'est pas pour faire des rimes. Alors Lucas, pourquoi Philippe, oui. Philippe, je te rappelle qu'on a une demoiselle ici aussi. Oui, ah oui, bien sûr, mais on l'entendra après pour la tournée de blagues. Ah oui, c'est on compte sur elle. Oh merde, c'est sur toi que les blagues tournent. Ouais, c'est ça, c'est elle. Donc on t'a pas dit, en fait, la tournée de blagues, c'est toi qui la feras, donc il y a 10 blagues à raconter en une minute. Génial. Alors. On veut du cul! Il y en aura! Alors Lucas, tu as quel âge, Lucas? J'ai 15 ans. Ah oui, donc c'est normal qu'il y ait l'autorisation parentale. Et c'est la première radio de Lucas! Lucas, attends, parce que moi je me souviens, moi, t'as 15 ans ou 15 ans et demi? Non, j'ai 15 ans. Alors Lucas, donc toi aussi, alors comment ça t'est venu, toi? En fin de compte, moi je connaissais Laurent Violet et son titre de spectacle c'était Faites-vous violer, ce qui m'intéressait pas mal. Hein. À 15 ans, d'accord. Bah, je suis pas dans la merde. Moi, c'est je me demande faute, si t'es... Laurent, c'est voilà. Faute. Je me demande si tes parents vont pas nous retirer l'autorisation de diffusion. Et alors donc t'as été candidaté à Candidator. Ouais, bah je suis allée au café donc en face des Folies Bergères et donc René Marc et Ida m'ont accueilli avec grande sympathie. Mmh. Et donc ensuite je suis passée donc une heure après et ça s'est super bien passé donc je suis revenue. Mais t'es passée avec quoi, avec un sketch que t'avais écrit Ouais, avec un sketch que j'ai écrit. Et le concept de Candidator aussi c'est qu'on doit changer de sketch, de programme ou de chanson à chaque fois. Et ce qui encourage vachement à écrire pour l'occasion, quoi. D'accord. Mais alors sinon, t'es à l'école, j'imagine, t'es au lycée. Ah oui, bien sûr. Voilà, J'ai 15 de moyenne. Ah, très bien. Vivement que t'es 16 ans. Joli. Je te remets une étoile sur billet réduit. Merci Philippe. Là, parce qu'il était en négatif. Hein. Oui, j'ai appris ça. Mais j'étais oui. Débiteur d'étoiles en étoile sur billet réduit. Je profite de cet instant d'émotion pour te dire, Lucas, que tu n'es pas le premier à avoir vu cette affiche Faites-vous violer. Puisque. Comment elle s'appelle ta maman? Elle l'a vu il y a 16 ans. Lucas, celui qui te parle, c'est ton papa. Oh Alors là viens dans mes bras, mon fils. Bon, ben ça va pas être simple pour toi, Lucas, parce que évidemment, comme pour Guillaume, on va te demander. Je crois qu'on a perdu René là. Ça me fait rire. On va te demander de nous faire un petit sketch quand même, hein, puisque c'est le but de l'émission, de faire découvrir. Allez, fais plaisir à papa. Allez, on laisse sur la scène, on va se marrer, Lucas Véran. Bonsoir. Alors, bon, voilà, je m'appelle Lucas Véran et j'habite en banlieue, dans le 9-2. Là où les problèmes sont nombreux, oui. Oui, j'habite à Neuilly-sur-Seine. C'est vrai. C'est quand même le comble pour un habitant de Neuilly que d'avoir, que de s'appeler Lucas Véran. C'est quand même le comble que d'avoir les mêmes initiales que Louis Vuitton en habitant à Neuilly. Mais bon, détrompez-vous, hein, je suis déjà allé en vraie banlieue, dans le 9-3, plus précisément en Seine-Saint-Denis. Plus précisément aux loges au Stade de France pour la finale de la Coupe du Monde de rugby. Et en parlant de rugby, d'ailleurs, je suis inscrit dans un club de sport au Bois de Boulogne qui s'appelle le Racing. Et mon meilleur ami, Charles-André de Saint-Servi de la Villardière, m'a dit que quand il faisait son match de tennis, il ne savait pas où était son père. Alors bon, je lui ai dit, moi j'ai une petite idée. Il a dit non, moi je pense qu'il est en train de faire du football, du tennis, de la natation. Je lui ai dit, il est tout simplement en train de se taper une pute. Ce qui n'a pas très bien pris. Bon, remarquez, il y a un point commun entre la natation et les prostituées, c'est qu'il faut ouvrir les jambes pour réussir. D'ailleurs, en voyant la tête des nanas, enfin, des nonos plutôt, le père de Charles-André dirait « C'est pas l'argent qui manque, mais c'est plutôt l'envie. » Bref. Sinon, je suis scolarisée dans une école catholique privée à Neuilly, Sainte-Marie du Doux Jésus de Dominique. Eh bien, figurez-vous qu'ils nous niquent bien. Parce qu'en banlieue, près de Marseille, quand ils disent fils de pute, ils ont droit à une ovation générale de toute la classe. Ouais, j'ai bien dit frère. Alors que moi, à Neuilly, quand je dis zut, j'ai le droit à 2 heures de colle. Alors, comme dirait Calimero, c'est trop injuste. Oui, je cite les grands philosophes. Bon, je parle de Marseille. Récemment, j'ai fait une colo là-bas. Oui, parce que mon père voulait que je voie d'autres gens qui sont pas de Neuilly. Alors je lui ai dit que je vois pas que des gens de Neuilly, tous les week-ends j'en vois de Passy dans le 16e arrondissement. Ça m'a fait bizarre de quitter Neuilly, hein, parce que là-bas j'ai l'habitude d'être tout seul dans 15 pièces, en colo on est 15 dans une seule pièce. Bon, alors j'ai commencé à faire ma valise, à faire bas de gamme pour la colo, hein, Lacoste, Ralph Lauren. Et quand je suis arrivé, il y avait déjà quelques têtes que je connaissais. Des mecs qui, à la sortie de mon école, m'avaient arraché mes vêtements, pris mon portable, ils m'ont même demandé un autographe sur mon chéquier, visiblement de vrais fans de moi. Bon, alors du coup, j'ai sympathisé avec eux et ils trouvent les Neuillais un peu prout-prout et snob. Oui, parce qu'en fin de compte, moi, je suis pas trop d'accord avec eux parce que eux, quand ils mangent leur pépito, ils appellent ça biscuit rond à pet de chocolat. Je veux bien que ça soit du hard discount, mais quand même, c'est gore cette discrimination envers les Mexicains. Ils disent aussi qu'il n'y a pas de supermarché pas cher à Neuilly, bien sûr que si. Moi, je vais chez ED, Édouard l'épicier. Mais bon, donc tout ça, ça ne m'a pas trop réussi. C'est pour ça que quand je suis rentrée, j'ai dit à mon père que mon rêve, c'était pas d'habiter à Neuilly-sur-Seine, mais de monter sur scène. Merci. Ouais, très bien. Hein, je suis super content parce que Laurent, il ne le connaissait pas, ce sketch. Mais non, je ne le connaissais pas, mais je voudrais revenir quand même à notre lien de parenté. au début de ton monologue, tu dis que... parce que tu doutes quand même de ma paternité. Et sache bien que si Lucas Véran, c'est les initiales de Louis Vuitton, c'est aussi les initiales de Laurent Vieux. Ah, mais ouais. Mais ouais. On a parlé. Bon, alors Frédéric, un commentaire sur le sketch. Vas-y, parce que t'es le seul à avoir le physique de Ben Guigui. Mais quel con. Quelle note. Quelle note. À la Ben Guigui ou la vraie? Ah non, la vraie. Bah, la vraie, mais il a 15, comme son âge. Eh ouais. Oh, merci. Enfoiré, j'aurais mis 18. Non, non, mais c'est super. Attends, 15 ans, moi, je faisais pas ça, 15 ans. Bah, surtout, mais c'est vraiment, c'est toi qui écris vraiment tes sketchs. Oui, c'est vraiment moi qui. Ah oui, je confirme. Je confirme. Épaté quand même, hein, épaté. Ouais. Hein, ouais. Et donc lui aussi, beaucoup. Il va avoir sa chance au Kibélé bientôt ou pas? Oui, ben, alors. Vas-y, Lucas. Le mardi. Ouais, 10... tais-toi, là-bas. C'est la même place aux jeunes, merde. Ouais, merde. Ouais, effectivement, je fais une demi-heure avec Léo Barginal qui chante de la chanson humoristique le mardi 10 avril à 20h, donc au Kibélé. Voilà. Eh ben voilà, qu'on se le dise. Ouais. C'est super quand même. Eh, non mais moi je suis scié en fait, vraiment. Ouais. Non mais Laurent, écoute. Non mais je suis pareil, je suis estomaqué. Mais je te regardais pendant qu'il faisait son sketch, effectivement, t'étais. Non mais c'est bluffant, ouais. C'est voilà. Bravo. Bravo. Ouais. Moi, j'ai un fils qui a 24 ans, qui est con comme une valise. Bon, il est serveur à Grenoble dans un restaurant. Pas de son métier, hein. Non, il pourrait être ingénieur. Ouais. À Grenoble. On a tous ces problèmes. Moi, mon fils aussi, ben, tu sais, ils ont une semaine d'écart. Mais ben il est mort. C'est bien, hein, je t'avais Puis je t'avais demandé ce jour-là, t'as des capotes, René? Et voilà. Bien. Bon, alors, après ce bon moment ensemble, je vous propose encore une fois une courte pause. Mais alors, juste après, on va quand même solliciter Ida, ici présente. Ah ouais, Car ça sera la première tournée de blagues. Ouais. Restez avec nous, on revient avec Laurent Violet et toute l'équipe. Ouais. Retourne, on va se marrer avec Laurent Violet. Je suis complètement beurré, moi. Et l'équipe de candidateurs. Yeah. Alors, on vous le rappelle, hein, il faut le rappeler quand même, René Marc, candidateurs, ouais. C'est donc actuellement à Paris. Tous les dimanches à 20h. Alors, on a commencé le 2 octobre 2011 et nous vous annonçons que nous sommes à l'affiche jusqu'au 30 juin. Ah. Est-ce que vous avez quand même envisagé de vous promener un peu en province, je sais pas Attendez, mon cher Philippe, c'est notre première année. Oui, mais bon, c'est une bonne idée. Ouais. Alors, il y a une chose qui est importante à préciser, hein, c'est que chaque dimanche, il y a des gens connus qui viennent nous rejoindre. Oui. On a eu Chantal Latsou, Bernard Ménez et beaucoup d'autres. Il y en a encore plein qui vont arriver, qui viennent nous rejoindre, Laurent et moi, parce que le principe, c'est aussi d'intervenir sur scène. Et quand quelqu'un est un petit peu trop chiant, on se permet d'improviser et d'interrompre la personne sur scène. Et ça peut être bien aussi. Ah, mais c'est vachement bien, ça donne des moments d'improvisation, toujours dans le respect des gens qui sont sur scène. On respecte les gens qui sont sur scène. Mais on essaie de faire prendre une mayonnaise pour un public de plus en plus nombreux qui vient nous rejoindre. Mais il y a des gens connus qui viennent tous les dimanches. Il y a même Olivier de Benoît qui vient roder régulièrement des sketchs qu'il enregistre chez Ruquier le lendemain. On commence... Oui, c'est qui? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on commence à être une scène ouverte, non seulement pour des jeunes talents comme ceux que nous vous présentons ce soir, mais aussi pour des professionnels qui viennent roder. Et ça, c'est très intéressant. Mais alors justement, ma question va se prolonger. Donc même si vous n'avez pas envisagé encore d'aller en province avec candidateur lui-même, mais est-ce que vous avez envisagé, justement, comme vous le faites au Kibélé, de permettre aux jeunes talents que vous découvrez d'aller justement se produire en province ou Avignon? Non, mais attendez, monsieur, que les choses soient bien claires. Nous, on n'a pas envie d'aller à Bordeaux, à Dunkerque. Nous, ce qu'on veut, monsieur, oui, c'est l'Oscar. Ah. Nous, ce qu'on veut. Mais là, monsieur, il est pris. C'est cette Los année. Angeles! Il est pris cette année! Ah, mais pour ça, ça va être très dur pour Laurent parce qu'il faut faire du muet. Ah ben, je suis pas loin du muet. Mais on a une belle porte-parole, elle s'appelle Idalou. Notre attachée de presse de candidateur. Notre assistante, pas attachée de presse, mais c'est notre assistante. Je préfère attachée. Tu préfères attachée de presse? Très attachée à notre assistante. Elle est bien. de presse. Un peu trop. Alors justement, Ida, on l'a fait réviser, car voici, pour nos auditeurs qui attendent ça depuis tout à l'heure, la première tournée de blagues. Ouais! On va se marrer! Elle l'a choisi. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Ida, c'est à toi. D'accord. Alors, j'ai choisi une blague qui parle de cow-boy, donc. Ah oui. Voilà. Donc, dans un saloon, entre un cow-boy gigantesque, large comme une montagne. Il s'accoude au milieu du bar et dit d'une voix forte « Tous ceux qui sont à ma gauche sont des connards et tous ceux qui sont à ma droite sont des pédés !» À ce moment-là, un jeune cow-boy se lève et traverse la salle. « Et où tu vas, toi? Tu veux te battre ?» Pas du tout, grand fou. Simplement, j'étais du mauvais côté. Attendez, mais elle a réel talent d'interprétation. Mais elle est comédienne, elle est comédienne, Ida. Elle est comédienne, chanteuse. Elle mais est, il faut qu'elle monte sur scène. Oh, évidemment, c'est candidateur n'est qu'une aventure d'artiste. C'est que des artistes. Bon, alors, Laurent Violet. Ouais. Une petite blague mignonne, hein, Laurent, hein. Bah ça, j'ai des copains qui m'envoient des trucs sur comme tout le monde sur le téléphone. Et il y en a une qui m'a fait marrer, c'est un que certainement que vous connaissez, c'est, bref, c'est un punk et un vieux qui sont assis sur un banc, et puis le punk il a une crête rouge et le vieux le regarde et puis ça énerve le punk et le punk lui dit quoi, qu'est-ce que t'as le vieux? C'était jamais arrivé là toi quand t'étais jeune faire des conneries quoi. Et le vieux dit au punk, si, ça m'est arrivé. D'ailleurs, une fois, j'étais tellement bourré, j'ai enculé une poule, et ça m'étonnerait pas que tu sois mon fils. Là, on va perdre Philippe, maintenant. Je savais pas comment il a fini. Oui, il a fini normalement. Vous la connaissiez? Oui. Non. Alors, moi, je vais faire une petite mignonne, hein, parce qu'il faut quand même. Ah. Donc, c'est deux mecs qui sont en train de se baigner dans un lac où il fait assez froid. Il y en a des deux qui dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Avant, dis-moi la bonne. Eh ben, la bonne, c'est que selon le thermomètre, l'eau vient de se réchauffer 2 degrés. Hein, et la mauvaise, c'est pas à cause du soleil. Oh là là. Ah, ça y est, j'ai compris, putain. Oh là là là. Ça y est. Bon, alors moi j'en fais une petite mignonne, comme on a quand même des jeunes dans l'émission. C'est ce qu'on appelle les blagues pipi caca. Voilà, ah ben voilà, exactement. Alors ça se passe dans le sud-ouest et donc il y a un paysan qui a un élevage de brebis. Et il va gueuler, mais bon, c'est pas grave. Si c'est celle que je crois, je l'adore. Ah ben voilà, l'élevage de brebis. Et alors je suis très emmerdé parce que le dernier mâle, il est mort. Alors je sais plus comment faire avec mes brebis. Alors je suis allé voir mon voisin. Donc ça c'est l'accent de la campagne. Voilà, hein, qui lui aussi a des brebis. Je lui dis bah voilà, tu peux me prêter un mâle parce que là mes brebis je peux plus du tout quoi. Bah attends, mais mon mâle il est mort depuis 2 ans. Et comment tu fais avec tes brebis? Eh ben je les fais moi-même. Comment ça tu les fais toi-même? Ben oui, je les fais moi-même. Donc tu te fais tes brebis. Le lendemain tu regardes celles qui sont au soleil, c'est celles sur lesquelles ça tient. Mmh. Celles qui sont à l'ombre, ben il faut y remettre un coup. Oh, alors le soir même. Oui. Il dit à sa femme, je vais promener le chien, mais tu l'as tué à la chasse il y a 2 ans, c'est pas grave. Hop, il sort, il charge les brebis dans la camionnette, y a pas de baie, hop, il prend la camionnette, il va dans la clairière, clac, toutes les brebis les unes derrière les autres, mais, sur direct, ils t'en font 2 heures avec ça. Et alors, il rentre, boum, le lendemain matin, il se lève, il regarde, tac, elles sont toutes à l'ombre. Oh putain, oh là là là. C'est assez fort, le soir même, je vais fumer une clope, il prend du Viagra, il se retape les brebis, et comme ça pendant une semaine et tous les soirs, boum, les brebis, il regarde, au bout de 3 jours, il y a 2 brebis au soleil. Il y a une semaine, tous les soirs, les brebis, comment elles font? Voilà, voilà, alors il n'y a pas de baie. Et au bout d'une semaine, il ne peut plus se lever. Il n'en peut plus, il est sur les rotules, il n'en peut plus, il est sur la réserve. Il est sur la réserve. Il appelle sa femme. Dis-moi, tu peux aller voir à la fenêtre? Oui, dis-moi combien il y a de brebis à l'ombre et combien il y a de brebis au soleil. Va à la fenêtre. Mais écoute, je suis très emmerdé. Mais comment ça? Il n'y a pas de brebis à l'ombre et il n'y a pas de brebis au soleil. Putain, mais elles sont où mes brebis? Tes brebis? Elles sont dans la camionnette et il y en a une devant qui est en train de klaxonner. Ouais. C'est celle que je connaissais. Eh ouais. Bon, Lucas. Alors, moi, c'est une blonde qui rentre dans une bibliothèque et elle fait « Bonjour, je voudrais des frites et un Big Mac. » Alors, la dame lui répond « Non, madame, on est dans une bibliothèque. » Elle répond « Excusez-moi, une frite et un Big Mac. » Alors René Marc, je crois que c'est à toi. Ah, alors moi j'aime beaucoup les blagues nulles. Ah, bah est-ce nous que, aussi. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas de mammouth? Non. Eh ben parce qu'il n'y a plus de papout. Ça se tient. Ça une petite deuxième peut-être. Ah oui, c'est un oignon qui pousse sous un sol pleureur et qui dit j'espère que c'est pas de ma faute. C'est bien parce que c'est poétique. Oui. Ah, j'ai plus trash. Mais Ah, non, bah, vas-y. Allez, avant de rendre l'antenne. Et coupez la radio si vous voulez pas entendre. Un peu plus longue. Vas-y. Allez. Attention, elle est crade. Hein. Oui, bah, vas-y. Alors, c'est deux mecs qui vont, tous les dimanches, ils vont pêcher. C'est leur tradition. Ça fait 15 ans que tous les dimanches, ils pêchent ensemble. Et tous les dimanches, ils se disent à dimanche prochain. Et l'autre lui dit, mais je serai pas là dimanche prochain. Il dit, comment ça, ça fait 15 ans que tous les dimanches, on se retrouve pour pêcher ensemble dans le lac et tout. Non, dimanche prochain, je me marie. Mais comment ça, ça fait 15 ans qu'on se connaît, je suis pas au courant de ton mariage. Non mais t'inquiète pas, etc. Je serai là dans 15 jours. Bon. Et le dimanche d'après, le mec se pointe tout seul pour pêcher, persuadé que son mec, son copain est tranquillement en train de se marier. Et en fait, l'autre arrive. Il fout sa canne à pêche, il dit rien, il pêche normalement. L'autre il dit, je comprends pas, tu m'as dit que tu serais pas là parce que tu t'es marié. Ouais. Non mais tu t'es marié. Oui, je me suis marié. Mais je comprends pas pourquoi t'es là en train de pêcher. Mais parce que je suis bien. Non mais tu t'es marié avec ta femme, tu l'embrasses et tout. Oh ben non, je peux pas. Attends, tu rigoles. Elle a des aftes dans la bouche et tout. Je peux pas, c'est impossible. Mais il dit, je comprends pas, tu t'es marié, mais je sens que tu la connais, Philippe, et que t'as honte que j'aille jusqu'au bout, non? Vas-y. Et il dit, mais je comprends pas, tu t'es marié, tout ça, elle a des hommes dans la bouche, etc. Mais bon, vous avez eu des rapports sexuels, vous avez eu la nuit-noc. Oui, mais bon, mais elle t'a branlé un peu. Oh non, attends, elle a des verrues sur les mains, je peux pas, non. Non, c'est pas possible. Mais attends, vous avez eu des rapports sexuels et tout, quand même. Je sais pas, tu l'as pénétré. Oh non, attends, tu verrais, elle a des croûtes sur la chatte. Non, je peux pas, c'est impossible. Mais je sais pas, il existe la sodomie, t'as essayé la sodomie. Mais elle a des hémorroïdes, je peux pas. Et au bout d'un moment, son copain lui dit, mais attends, je comprends pas un truc. Pourquoi tu t'es marié? Et l'autre regarde son copain, il fait, ben, parce que pour la pêche, elle me fait des verres comme ça. Bon. Voilà, René l'avez Marc, voulu. Oui. René Marc Gage. Voilà, c'était son nom. Il a un Facebook, vous pouvez aller l'insulter. Et après ce moment de poésie, nous allons vous passer la truite de Schubert. Vous m'aviez prévenu qu'on pouvait y aller, on y va. Oui, pas de problème. Alors, c'est mon papa qui va pas être déçu. Hein. Surtout, alors, ne lui donne pas la fréquence. Laurent, quand même, pour faire plaisir à nos auditeurs, après la pause, tu nous fais un petit sketch ou un petit quelque chose, une petite surprise? Oui, on fera quelque chose. Bon, allez, on rend l'antenne quelques instants, le temps de donner à René de remplir les verres, et on revient juste après avec Laurent Violet et l'équipe de Candidateurs. Ouais. Retour dans Vasse Marée avec la Fédération française de la pêche, alias René Marc Guedes. On va se marrer. Bon alors, candidateur. C'est vrai que c'est une émission où il y a des verres. Oui. Candidateur, vous l'avez compris, c'est à Paris chaque semaine. Si vous avez envie de vous marrer, si vous venez sur Paris, ben vous allez voir Candidateur. Et puis si vous avez envie de vous lancer, peut-être aussi, de tenter votre chance. Oui, parce que c'est gentil de se marrer, mais il n'y a pas que des comiques. Oui, c'est ça. On reçoit de tout, absolument de tout. Voilà. Alors, explique-nous un petit peu. Tu nous le disais avant l'émission. Vous avez fait un petit bilan justement à l'occasion. Oh, c'est très gentil de me tendre cette perche-là, Philippe. Mais oui. Parce que je suis très fier de notre bilan. 134 artistes en 5 mois sont passés. Exceptionnel, hein. 71 humoristes. Dont deux bons. Dont deux bons. Sois pas mauvais. Ben Guigui, ta gueule. Dont Luc Avéron. Cela dit, il est pas loin. Très honnêtement. Mais on a eu 71. Tu te rappelles que j'ai fait Candidateur aussi? Non. Mais on attend ton deuxième passage. Tu devais avoir un mauvais sketch. Hein. Prends des bons auteurs, je l'ai déjà dit. Alors, il est vrai que sur 134 artistes, nous avons eu 71 humoristes, parce que c'est plus dans l'air du temps. Nous avons quand même eu 28 chanteurs. Dont deux morts. Nous avons eu 4 poètes. Dont deux PD. Voilà. Et notamment un monsieur de... et notamment un monsieur de 83 ans qui nous a fait un sketch, un, enfin, retraité, un poème sur la branlette qui était assez exceptionnel, je dois le dire. Voilà. Nous avons eu 14 numéros de music hall, magie, mentaliste, imitation, ventriloquie, tout ça. Et nous avons eu 18 monologues et extraits de pièces de théâtre. Ah oui, vraiment, c'est très très large, ah, en fait. C'est le but, mais c'est le but, bien sûr. Donc bien tu vois, Fred, que tu peux y aller. Alors, 18 monologues. Non, non, je réponds pas. Je en même pas. Temps. Je vois que ça fait une jolie pièce de théâtre. Et alors, est-ce que des fois, à Candidator, Laurent Violet fait un petit sketch ou un petit truc, une impro, quelque chose? C'était à mourir de rire dimanche dernier, Laurent, puisque t'es là. Laurent était en train d'écrire pour une émission de télé qu'on ne citera pas. Non. Et il arrive un petit peu en retard à Candidator. Et au moment où il arrive dans la salle, il y avait une espèce de mec. Magnifique. Imitateur-chanteur qui était en train de nous chanter une chanson de Joe Dassin. Et il y avait. T'étais là? Non, non, vous étiez pas là, vous. Vous étiez pas là ce dimanche. Non. Et il y avait Yann Stotz qui était notre invité à ce moment-là et qui était en train de dire dans la salle, mais c'est marrant, il imite Joe Dassin, mais on dirait Adamo. Donc déjà l'imitation ratée. Et c'était genre mais si tu n'existais pas, tu vois. Et Laurent arrive à ce moment-là et j'étais avec ma perruque parce que nous avons des perruques bleu blanc rouge qui interprètent Monsieur Candidator et nous intervenons avec des perruques sur scène pour interrompre les gens parce qu'à partir du moment où nous avons quelque chose sur la tête, nous sommes protégés par Dieu. Et j'ai adoré l'arrivée de Laurent dans la salle, j'étais au piano, je ne joue pas, mais j'essayais d'accompagner le mec qui ramait avec son Joe Dassin. Et au moment où Laurent arrive, je fais, devant tout le monde, je fais, Laurent, quel accueil! Et là, Laurent arrive sur scène en interrompant le mec qui faisait Joe Dassin et il s'est passé une impro géniale, on s'est régalé, quoi. Voilà. Bon, alors, pour l'émission, on peut peut-être avoir quelque chose, quand même, un petit cadeau de Laurent, quand même. Laurent, t'es, bon, quand même, comme ça, on t'avait pas prévenu, mais un petit sketch, un petit extrait. C'est pas un sketch, vous savez, moi, quand je viens ici, j'ai pas envie de rigoler, vous savez. Déjà, vous prenez, vous venez ici, vous prenez le RER, c'est Sim, jusqu'à partir de la gare d'Austerlitz ou du musée d'Orsay. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas beaucoup de monde dans cette émission. Vous arrivez ici, il faut monter les étages. Sept à pied. Quelqu'un disait que le meilleur, c'était dans l'escalier. Hein. Et puis, vous avez un peu... c'est un peu Zorro ici. C'est-à-dire que... Et que vous avez un peu le sergent Garcia. Voilà, je l'attendais. Et puis Bernardo qui nous sert à boire. Le mec qui parle pas quand on parle. Ah si, il entend, il rigole. J'aimerais qu'on entende parler Bernardo. Renez. Est-ce qu'on pourrait avoir... Ah non, elle a pas de micro sans fil. Attends, il va venir. Oh là là, tu le connais pas, il a fait l'émission pendant 10 ans. Non, c'est vrai. Attends, René. Parce qu'il a fait l'émission pendant 10 ans. Parce que pendant qu'on vous parle, il y a quelqu'un qui nous sert à boire. Lucas Baran, mon fils, qui a une vraie voix. Oui. Moi, là, c'est Laurent Violet qui vous parle. Oui. Maintenant, je vous présente mon père. Oui. Voilà. Toute la famille au complet. Darth Vader. Merci, grand-père. Il t'a bien baisé, Laurent. C'est la famille Vador. Non, si on est. Le corde vocale de son maman. Je commence à choper des symptômes. Bon, alors, moi, je vois quand même que hier, il y avait, toi, tes 25e année de triomphe. Alors, je vois les incontournables, le sketch du lapin. Ça, c'est pas mal quand même à nous faire, non? Un petit extrait. Non, t'en as tout en fou. Et combien de temps on a? Une heure. Non, mais là, dans la pastille. Ah bah là, c'est ce que tu veux, ce que tu veux. Non, en fait, le lapin, je raconterai, je dirais un sketch, cette histoire du lapin qui est passé à la télé, c'est un truc qui est né au Tintamarre, c'est que un jour, en traversant le boulevard Sébastopol à Paris, je venais d'arriver à Paris, je suis savoyard, et j'ai vu quelqu'un qui tapait son berger allemand boulevard Sébastopol, parce que le chien voulait pas traverser. Et il va le tuer, il va même pas s'en rendre compte. Et après, je passe devant une boucherie rue des Lombards, qui est devenue, je sais pas, un couic ou un truc, enfin bref. Et j'ai vu des lapins dépecés, pendus dans le truc. Et j'ai dit, oh putain, c'est ça. Je suis allé au BHV, j'ai acheté une laisse. Je m'en rappelle. Et je l'ai fait le soir ou l'après-midi, je sais plus. au Tintamarre, la rue des Lombards, le sketch où le mec a tellement tapé son chien qu'il s'est pas rendu compte qu'il est mort. Donc en fait, ce sketch-là, pour ceux qui le connaissent, vous pouvez regarder sur YouTube, parce qu'après, c'est le premier. Patrick Sébastien n'avait pas voulu que je fasse ça. Il a préféré à l'époque des Luc Véran. Müller, elle n'était pas allée non plus. Mais donc, c'est des sketchs sur les séries américaines, tout ça. Et donc, ce sketch-là, je sais que j'embête un peu tout le monde, mais c'est chez Arthur en 92 qui était passé. Émission Impossible, ça s'appelait. Voilà, voilà. Ou ouais. D'ailleurs, après, enfin, quasi en même temps, il y a eu Élie et Dieudonné. Tout à fait. Élie Kakou. Ouais. Et voilà. Et donc, c'est un sketch d'anthologie, je veux dire. Enfin, quand on associe. Ah, si, donc, si, quand non, même. Mais c'est un sketch de jeune, de potage. J'avais 20 ans, quoi. Voilà, quoi. Mais il est né comme ça. Et maintenant, dans l'autre pastille. Oui. On va enregistrer tout à l'heure. Oui. Je vous ferai la suite. C'est pas possible. Bon alors, pause et la vite. Suite avec Laurent Violet juste après cette courte pause. Restez avec nous. Retourne, on va se marrer. Alors, je dois vous le rappeler, on a Guillaume Muller qui a chanté en début d'émission, qui est toujours... Oui. Guillaume, t'es toujours là? Je suis ouais. toujours là. Bon, ça va. C'est vrai, Guillaume, c'est pas trop ton registre, l'humour et tout ça. Tu préfères quand même un peu la poésie. Ah, mais je suis plus en spectateur, là, maintenant, mais je suis très heureux. Il aime bien rigoler. Bon, il aime bien rigoler. Bon, Lucas, qui nous a fait son petit sketch, mais qui va nous faire encore une petite tournée de blagues tout à l'heure. Ouais. Bon, ça va. René Marc, qui nous racontera une autre petite histoire mignonne. Non, non. Voilà. Mais je crois qu'ici, autour de la table, tout le monde attend quelque chose. Qu'est-ce que t'attends, Lucas? Le sketch de Laurent Violet. Ah, Laurent, ouais, t'es bougé. Non, c'est pas un sketch. Allez, fais-nous... C'est-à-dire que quand je... La chauve-souris, là. Ouais. Tiens, ben, Billard, attends. Respect, Jean-Marie Billard. Il habitait à côté du Pila. J'étais allé chez lui. Et il y avait des trucs de Colomb. Tu sais, Serge Chauvignon, c'est... Oui, oui, bien sûr. Et il y avait du Colomb. Et oui. La maison de disques et tout ça lui offrait tous les gadgets qu'il y avait de Colombo. Il y en avait même jusque dans les toilettes. Tu sais, quand... Ah ouais, carrément. Ouais, quand tu tirais le PQ, machin, c'est... Bonsoir, monsieur. Il y en avait de partout. Et il était adorable. Et puis, il est mort un peu seul. Oui. Il est mort. Oui, je sais, oui. Sauvion, hein, pas... Oui, bien sûr. Philippe est fan de Colombo. Il a toute la collection. Oui. C'est un fan acharné de Colombo. C'est vrai. J'ai vu tous les épisodes et j'adore Colombo. C'est énorme. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, hein, bravo. Pour le Spielberg, mais... Non mais la voix de ah ben de lui Sauvion, était... il est pour, ah non mais c'est, beaucoup, non mais attends, c'est sûr, clair, tu as tout à fait raison. Le succès de Colombo en France, c'est grâce à la voix, ouais, de... mais il avait un peu cette voix là en et VO, tu sais, hein, qu'au départ je sais pas qui connaît, mais je sais que René il s'y connaît, au départ c'était pas le personnage qu'il voulait, c'était un flic moderne qu'il voulait, ouais. Et c'est lors d'un casting machin que ça, merci, ça s'est transformé. Ils en ont. Ouais. Pourquoi ça serait pas une espèce de clochard, tu vois, qui... L'imperméable. Ouais, l'imperméable. La psychologie du truc. Mais au départ, j'ai entendu ça sur France Info il y a pas longtemps. Au départ, ils voulaient un flic moderne, quoi, tu vois, qui mène l'enquête et tout ça. Parce qu'à l'époque, c'était complètement à contre-sens Début des années 70, c'était Kojak. Ah ouais, ouais, voilà, voilà. Ouais, vous êtes d'accord, il est drôle le sketch de Laurent Violet, non? Oui. On va s'aimer. Non, mais pour il y a une solution pour la faim dans le monde, c'est manger du chien. Il faut manger du chien. Je suis allé en Corée, en Chine, et là-bas ils mangent du chien. Je vois pas ce qu'il y a. En Italie on mange des pâtes, et ben en Corée on mange du chien. Quoi. L'avantage quand on mange du chien, c'est qu'on a la viande et les pâtes en même temps. Le chien, ça se mange avec du pain, beaucoup de pain. Par exemple, pour un labrador, il faut un bâtard entier. Le chien, c'est un pain de riche. Un Yorkshire. Il y a presque rien à bouffer, t'en as pour 5000 balles. Le chien, c'est un pain de riche, tu sais pourquoi? Parce que tout se mange pas. C'est comme dans le cheval. Dans le cheval, on mange pas le jockey. Et ben dans le caniche, c'est pareil, on bouffe pas la vieille. Non mais attention, le chien on le fait cuire. Alors que les huîtres, comment les mangent les huîtres? Luco, comment les huîtres? Bah tu les gobes. Vivantes, vivantes. Et les motards, comment ils les mangent les mouches? Vivantes. Chacun sa culture. On mange ce qu'on trouve dans son pays. En France, on a des grenouilles. Et ben on mange des cuisses de grenouilles. Les cannibales, ils ont pas de grenouilles. Et ben ils mangent les hommes grenouilles. En plus, c'est pratique, c'est livré avec les bouteilles. Il y a à bouffer partout. Il y a à bouffer partout. La faim dans le monde, c'est une aberration. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas. Et ça, c'est la faute aux Américains. Parce que les Américains, à force de nous faire croire qu'il n'y a que le McDo qui se mange, eh ben les Américains, ils nous ont fait perdre le goût de la sauterelle et du hanneton. Parce que le petit noir dans le désert, il ne sait pas que ça se mange le criquet. Et comme il n'a pas de quoi se payer un McDo, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il crève la dalle. Et moi, j'y suis allé au Soudan. Et ben, je peux vous dire que c'est bien triste de voir un petit noir crever de faim devant un verre. Parce que lui, le verre, plus tard, il se posera pas de questions. Alors, je veux pas vous forcer. Je suis pas là pour ça. Mais s'il vous plaît, mangez du guawa. Manger du toutou, manger du rintintin et du milou. Mais c'est vrai qu'on peut plus rien manger. On mange du bœuf, on attrape la vache folle. On mange du poulet, on attrape la grippe aviaire. On mange du porc, on attrape la fièvre porcine. Mais quand on mange du chien, qu'est-ce que vous voulez qu'on attrape? La bobole. J'adore ce sketch. J'adore. Bon, alors, en dehors d'avoir joué hier soir, Laurent, quand même qu'on puisse annoncer à nos auditeurs, tu fais un peu de tournée quand même. Oui, je fais de la tournée. Et en dehors de chez nous, en dehors de la tournée de René. D'ailleurs, je suis ravi ici de revoir Idalou qui travaille avec nous sur Candidator. Et Idalou, je suis désolé que cette émission ne. Il n'y a que le son, parce que si on avait l'image, oui. On verrait que quand même Idalou, c'est, ah oui, c'est un phénomène. Et moi, personnellement, j'ai jamais, on croit, voilà, Laurent Violet, 26e et 25e année de triomphe et tout, il a dû s'en taper des... Jamais, c'est vrai. Je me suis toujours posé la question pourquoi... Pourquoi je me suis jamais tapé de top modèle comme Idalou, jamais. Ah. Pourtant, j'ai de l'expérience. Ah, moi, j'ai de l'expérience. Moi, j'en ai levé des belettes à Paris, à Bordeaux. J'en ai fait gazouiller de la fauvette à Dijon. J'en ai secoué de la morue à Biarritz-Saint-Michel. J'en ai astiqué de la crevette. J'en ai bourré du calon à Toulouse à la Baule. J'en ai assaisonné de la frisée anti-macar. Oh, j'ai même failli faire couler de moule à Saint-Étienne. Mais ce jour-là, j'ai pas en pu. Il y avait match. Et ben jamais. Vous m'entendez? On est à radio quoi là? Ouais. On va se marrer. Oui. Jamais. Jamais j'ai réussi à me taper un top modèle comme Idalou. Alors si vous voulez, je continue. Ou sinon, j'en reparle dans une autre pastille. Je pense qu'il est temps de couper tout. On va déborder. Bon, eh ben écoutez, moi je vous propose effectivement qu'on rende quelques instants l'antenne et qu'on revienne juste après. Alors Idalou, justement, une petite blague après la pause. Tout à fait. C'est tellement bien, elles sont tellement bien faites. Allez, elle le dit bien. Ah oui, allez, tournée de blague générale juste après cette courte pause. Yes. Allez, retour dans la soirée. Avec Laurent Violet et René-Marc Guedge, les grands Manitou du Candidator. Ouais. Je le fais bien. Hein. Ouais, Candidator bien. Qui nous amène ce soir, grâce à Candidator, un jeune talent de la chanson, et on l'a découvert tout à l'heure, Guillaume Muller. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment. Dans le, en te regardant, Laurent, ça me t'a motivé. Ah, c'était bien. Ah, c'était bien. On était là. On était là. Laurent, tu me perturbes. Là, moi, je crois qu'il se passe un truc, là. Ah, ouais. Il se passe un truc. Mais non, mais il s'est trompé. Il chante Amsterdam alors qu'il pensait à Copenhague. Je ne suis pas la petite sirène. C'est Idalou, notre petite sirène. T'as pris Laurent Violet pour le patron des croisières Costa, toi. Donc, tout de suite, t'as eu peur. On peut applaudir, monsieur. Ouais, vraiment. Non, parce qu'on est en fin d'émission et quand même, c'est pas facile, hein, devant tout le monde, là, de faire comme ça, a cappella. Alors, évidemment, il y a dans ton spectacle qu'on ira voir le 26-20h au Kibélé à Paris. Il y a plein d'autres chansons. C'est que des chansons de toi ou dis-nous un peu. Il y aura aussi mes meilleures reprises, dont Amsterdam, parce qu'Amsterdam, je peux pas m'en passer, quoi. T'es vraiment fan de Brel ou J'aime beaucoup Brel. En fait, j'aime les plus connus. Mais Amsterdam m'a vraiment ouvert plein de portes depuis que je suis arrivé à Paris, quoi. Vraiment. Le Amsterdamer. Il fait un malheur. Tu me prends. Ah non, là, vous pouvez pas. Non, mais là, vous pouvez pas caler Fred avec les pubs, hein, parce que tout ce qui est pub de bouffe, il connaît. C'est vrai. Non, mais stop, on va pas en faire un fromage. Moi, je soutiens mon copain René Marc Gage. Oui. Et je dis que son intervention était de très grande qualité. Bon, si vous avez envie d'écouter un jeune chanteur qui va vous faire non seulement découvrir des chansons de la chanson française que vous connaissez, mais surtout ses compositions. Je peux dire un truc. Oui, bien sûr. Quand Guillaume et Frédéric étaient moins, quand Guillaume est arrivé la première fois à Candidator, il nous a dit, voilà, je vais chanter Amsterdam. Je lui ai dit, vous l'avez déjà chanté? Il me dit non. Bon, et quand il s'est mis à chanter en public, effectivement, il s'est passé quelque chose dans la salle. Et Guillaume a cette particularité-là, à 19 ans, et c'est assez rare, quand il est sur scène, il se passe quelque chose, et ça ne se décrit pas. Parce que ça se vit, tout simplement. Parce que moi, donc, j'étais là dans la salle, puisque j'ai joué un sketch ce soir-là. Il y a eu 40 minutes de foutraque avec des... Ambiance candidateur, quoi. Ambiance candidateur, hein, ça chahutait, ça gueulait, et machin. Guillaume arrive, il commence à chanter, plus un bruit. Ouais. Enfin, si, lui qui chantait. Mais dans la salle, plus un bruit. Tout le monde était scotché. Oui, on était scotché, ouais. Je suis témoin. Ouais, ouais. Voilà. C'est tout. Et moi aussi, je suis fan de Brel. J'adore Philippe. Pourquoi ? Parce que t'es une Brel. Je me venge. Une étoile de moi sur Miridus. Je me vengerai. Bon, alors, Guillaume, on l'a compris, c'est le 26 mars pour écouter de la chanson et voilà. Un jeune chanteur qui vous fera vibrer, on l'espère. Donc, allez soutenir, c'est soutenir les jeunes chanteurs. Venez. Ah, c'est très important. Non, mais c'est vraiment important. Quand on voit ce que la télé nous donne comme merde et comment on peut juger les jeunes talents, il est très important d'avoir... Ah non, je ne te permets pas de parler de Christophe Maé comme ça. Non, mais il est très important de faire la démarche d'aller dans les salles découvrir. Oui. Surtout que c'est des spectacles qui sont à 5 euros. C'est quoi 5 Bien euros sûr. C'est à Paris, c'est le prix un café. Oui. Non mais c'est vrai, tu as raison. Mais c'est vrai. Tu as raison. Et pour découvrir l'univers de Guillaume Muller, il y a son site guillaumemuller.com. Merci Maryse. Merci. Quelle heure est-il? Non, c'est Julie maintenant qui donne l'heure. Maryse, elle est à la retraite. Tes références datent un peu. Et puis alors, à côté de Guillaume, on a Lucas qui nous a déjà fait un petit sketch tout à l'heure et puis il nous a dit pendant la pause, si vous voulez, je vous en fais un deuxième. Ah, oui. Il a été motivé par Laurent. Alors, allez, un deuxième sketch de Lucas Véran. Ouais. Dans notre pays, on mange du chat. Bon, vous en êtes sans doute rendu compte, l'actualité politique est très mouvementée. Ah oui. Hein, entre les présidentielles, l'affaire DSK, déviant sexuel kamikaze. Mais tout ça, on s'en fiche vraiment dans notre collège. Hein. Ce qui est important chez nous, ce sont les élections de délégués. Alors moi, je me suis présenté sous l'étiquette de l'UMP. Oui, j'habite à Neuilly. Sauf que chez moi, UMP, ça veut dire Union pour les maternelles et primaires. Alors comme chaque année, j'étais face au PS, parti scolaire, Bon, alors le PS a un gros avantage sur moi, c'est qu'il a tous les syndicats dans sa poche, à commencer par celui des matheux, la CFDT. Cosinus, fraction, division des théorèmes. La CGT également. Cantine des gourmets travailleurs. Mais le pire, c'est la FO. Faillotage organisé. Il n'y a pas pire. Alors bien sûr, pour cette campagne, il fallait que je fasse des discours, mais il me fallait surtout un soutien financier. Autrement dit, ma Liliane Bettencourt à moi. J'avais le fils du PDG Danone dans ma claque. Dans ma classe. Et donc je lui ai demandé, sauf que j'avais oublié un facteur important, c'est que quand Monsieur Sarkozy demande tout cet argent à Madame Bettencourt, elle n'a pas toute sa tête, alors que moi, quand j'ai demandé au fils du PDG Danone, il avait toute sa tête, mais surtout toute sa main pour me foutre une claque. Bon, alors après ça, j'ai donc fait des discours, des visites industrielles, sauf que là aussi, j'ai oublié un facteur. C'est que quand M. Sarkozy fait ses visites industrielles, il les fait, je sais pas, moi, chez Danone, chez Peugeot. Moi, ça s'est terminé au laboratoire de physique-chimie. Donc ensuite, pour le discours, j'avais choisi la bibliothèque de mon collège. Sauf que là aussi, j'ai oublié un facteur, c'est qu'au bout de 2 minutes, la bibliothécaire vient me voir et me dit « Chut, on ne parle pas, c'est une bibliothèque. » Pour un discours très pratique, chose à quoi je réponds avec élégance, tu crois que je vais le faire en muet, connasse ? Chose qu'elle n'a pas bien pris comme vous. Après ça, il me fallait quelque chose pour lequel j'aurais tout fait au monde. C'est trouver ma Carla à moi. Je vous cache pas qu'avec mes boutons d'acné, ça a été difficile. Alors j'ai trouvé une fille qui s'appelait Charlène. Le problème, c'est qu'elle s'appelle Charlène. Alors je lui ai dit, Charlène, tu vas t'appeler Carla. Si, Charlène, tu vas t'appeler Carla. Écoute, Charlène, si vous voulez garder ton nom, fallait rester à Monaco, avec Albert. Elle n'avait pas suivi l'actualité, elle n'a rien compris. Bon, après toutes ces péripéties, c'était le jour J, le discours devant toute la classe. Alors c'était assez mitigé, hein, puisque j'ai gardé cette fameuse devise, travailler plus pour gagner plus. Sauf que moi, j'étais obligé de rajouter d'argent de poche. Mais tout ça ne m'a pas beaucoup aidé, hein, puisque finalement, c'est moi qui ai terminé en DSK, délégué suppléant par KO. Merci. Eh, hey, encore une chute. Encore une chute. Non mais attends, je déconne pas quand je dis... Attends, c'est vrai, bah, vous qui écrivez, toi Laurent qui écrit les sketchs, le plus dur dans un sketch, c'est la chute. Mais ouais. Mais c'est vrai, ouais. Parce que quand t'as une chute de merde, eh ben après, ça foire tout. Oui, tu te fais buzzer à candidateur, Fred. Non, pas à candidat. À candidateur, tu ne te fais pas buzzer. Mais tu m'as dit, l'autre jour, je suis allé à candidateur, je me suis fait buzzer. Non, ça c'est dans On ne demande qu'à faire pire. Ah oui. Bon bah, et alors si vous voulez voir la version voilà. longue. Ben oui. Donc c'est au Kibélé comme Guillaume, mais le 10 avril à 20h, le mardi 10 avril à 20h au Kibélé. C'est sa première radio, ouais. J'adore. T'as un Facebook ? Ouais, bien sûr, j'ai une page et donc... Eh ben donne tout, mais attends, il faut bah oui. Ah bah fais ta promo. Vas-y Lucas. C'est quoi ta page Facebook ? Lucas Véran, voilà. Et c'est pourquoi t'as qu'une page ? T'es con, elle fait une deuxième. C'est un livre. Je crois que Laurent n'a pas tout compris à Facebook. C'est quoi Facebook? T'as bien une page Facebook, toi, ans. Laurent t'en... Ah oui, non, mais c'est si. Mon fils qui m'a dit. Mais si, je crois que je t'ai vu, moi, sur Facebook, il me semble. Oui, j'ai une page Facebook. Ah, tu veux. Bon, allez, avant de rendre l'antenne... Comme les jeunes. Avant de rendre l'antenne, messieurs, je propose un moment de poésie et de tendresse. J'ai cru que t'avais dit « je propose un moment de faire une blague ». Et oui, non, un moment de poésie et de tendresse. Oui, mais pour oui. introduire ce moment de poésie, je te suggère. C'est raté le moment de poésie. Guillaume Muller, pendant que tu introduis, oui. qui te susurre alors oui. Une petite chanson. Oh. Allez. Alors, on te demande pas de rigoler. Chanson. Allez, hop, chanson. Vite. Bon, allez. C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, C'était au temps où Bruxelles bruxelait, place de Brocard envoyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brocard envoyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impérial, le cœur dans les étoiles, il y avait mon grand-père, il y avait ma grand-mère. Il est militaire, elle était fonctionnaire. Vous connaissez pas la chanson, hein? Et pourtant, et j'adore Annie Cordy. Claire, quand même. Hey, ah ouais, en plus, c'est vraiment un hommage qui va faire plaisir à nos amis belges parce qu'on a de nombreux auditeurs belges dans cette émission. Mais bien sûr, mais et bien ils sûr. Vont être ravis de t'entendre. Et je suis sûr que ils vont aller sur ton site internet guillaumemuller.com. Muller, M-U-2-L-E-R. Et à mon avis, ils auront la frite. Allez, avant de refermer l'émission, une tournée de blagues juste après cette courte pause. Allez, on revient après cette pause. Pour la dernière fois aujourd'hui, on va se marrer. Alors, si, si vous voulez continuer à vous marrer, il faut monter sur Paris, hein, aller au théâtre Les Feux de la Rampe pour le rendez-vous candidateur. Deux rue Saulnier, dans le 9e arrondissement, à côté des Folies Bergères. Facile à trouver. Ouais, bien sûr. Et le rendez-vous est en face des Folies Bergères. Au café, en face des Folies Bergères, le café Le Folies. À partir de 17h30. Ça, c'est pour les humoristes, enfin, tous ceux qui veulent participer. Tous ceux qui veulent participer. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Il n'y a pas, on le précise. Ouais. René Marc. On le précise, il n'y a pas de d'audition, de présélection. Voilà. Voilà. On s'inscrit. Après, il y a beaucoup de succès. On arrête à partir de 20, 25 personnes. Ouais, on arrive, ça dure deux heures. On arrive à faire passer entre 20 et 25 artistes pendant deux heures. Évidemment, les artistes sont invités. Ils ne payent pas l'entrée. Et ils ont droit à un invité chacun aussi, parce que c'est quand même la moindre des choses. Voilà. Et on le répète, il n'y a pas d'audition. Ouais. Tout le monde a sa chance. Tout le monde. Et le spectacle est à chaque fois différent. C'est-à-dire que. On peut y aller toutes les semaines. Ouais. Ouais, voilà. Et ça sera à chaque fois différent. Bien sûr. Ce qui est formidable dans cette scène ouverte aussi, c'est que après le spectacle, on se retrouve tous. Et c'est vraiment la seule scène ouverte dans Paris où moi, j'ai rencontré des gens formidables, autant des artistes comme moi, chanteurs, humoristes comme Lucas. On rencontre vraiment plein de gens et c'est vraiment génial. Non, mais c'est vrai qu'après le spectacle, professionnel rencontre les. Ça, c'est les très bien. Ouais. Et ça, c'est très sympa parce que c'est ce qui met le feu au truc, quoi. Bah ouais. Au feu de la rampe. Au feu de la rampe. Ouais, Lucas. Bah allez, la dernière tournée de blagues de la soirée, jingle. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors, avant de donner la parole à Ida, il y a une personnalité dans l'émission qui n'est pas là ce soir, qui s'appelle Maurice, que vous ne connaissez pas, mais que tous les auditeurs de l'émission connaissent, car il a un nombre incalculable de blagues fétiches que les auditeurs adorent, bien sûr. Et moi, je vous propose une de ses dernières blagues. Alors, ces trois steaks hachés se promènent en forêt. Non, c'est pas fini. C'est vrai, Mais d'ailleurs, j'ai pas dit de conneries encore. Tu as oublié quelque chose. Ma chère Vanessa. Ouais, normalement, Maurice s'adresse toujours aux invités qui ont raconté. Ma chère Vanessa, ces trois steaks hachés se promènent en forêt. Quand un disparaît, les deux autres s'inquiètent mais continuent leur route. Ah. Puis un deuxième disparaît. Oh. Le troisième flippe complètement et il demande où sont passés les autres. Ah. Quand soudain, les deux reviennent en criant « un steak haché ». Oh, mon Dieu. Oui, non, c'est... Voilà, c'est Maurice. Et voilà. Après ça, on va dire que c'est les auditeurs. Recommence. Mais fais-la d'un coup. Non, mais là, allez, hop. Allez. D'un trait. Ma chère Vanessa, toc, t'y vas. Ma chère Vanessa, trois steaks hachés se promènent en forêt quand un disparaît. Faut un peu de bruitage, c'est marrant quand même. Oui, les deux autres s'inquiètent mais continuent leur route. Puis un deuxième disparaît, le troisième flippe complètement. Ils se demandent où ils sont passés. Quand soudain les deux reviennent en criant On s'était caché. C'est pas possible. Oh non, mais non. Non, mais c'est pas vrai. Oh non, mais non. Non, bah non, mais... Philippe Beau, je viens plus, c'est fini. Eh, hey, en antenne, Laurent, tu me disais, c'est Jacques Ramad. Mais oui, c'est Jacques Ramad. Mais c'est vrai qu'il a la même voix que Jacques Ramad. Je suis sûr que c'est lui. Ah non, mais c'est pas lui. J'ai travaillé avec lui. Je avec te Jacques. Jure que c'est pas lui. Et Ruquier l'avait réembauché. Mais oui, mais c'est pas lui. Mais phénoménal, Jacques Ramad, qui a vécu tous les la grande époque. Mais il passe encore, Martin, il passe encore quelquefois avec Ruquier sur Europe 1. Mais Ruquier le prend, puis il a... Le pauvre, il a perdu sa femme, sa mère, et tout. Mais Henrique, il avait repris, puis il avait gling, gling, gling, gling, gling, gling, gling, puis... Non, non, mais je me souviens. J'ai une anecdote, très chouette sur Jacques Ramad. Il jouait un bide de Cam Moletti au Théâtre Michel à Paris. Et le bide était assuré. Donc, à chaque fois, on arrivait dans la loge pour lui demander combien il y avait de personnes, comment ils étaient, les gens, ce soir. Alors, on arrive, on va voir Jacques Ramad dans sa loge. On lui dit, comment ils sont ce soir? Et il fait, groupé sur deux rangs. Bon, allez, Ida, tu n'échapperas pas à la tournée de blagues, c'est parti. Wouh. C'est pas Ida qui a fait le « ou », c'est Lucas. Non, ce n'est pas moi. Merci, Lucas, de m'encourager. Après s'être absenté une partie de l'après-midi, la vieille comtesse rentre au château. Tout en lui enlevant obséquieusement son manteau, sa femme de chambre, qui sait qu'elle est sourde comme un pot, lui dit « Alors, vieille bique, où es-tu encore allée ?» D'où viens-tu, gros tas ? Je viens de chez le médecin qui m'a posé un appareil auditif. Mignonne. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Bon, Laurent, t'en as une petite mignonne ? Alors, je sais pas, j'adore les histoires drôles, oui. Surtout quand c'est René Marc qui me les raconte, parce que quand c'est Ida. Mais ça va, oui. Non, je voulais, un petit jeu de mots que je dis dans le spectacle, ça fait depuis un moment. Je disais que, à propos de DSK, de ministre Oscan, c'est qu'il aurait abusé d'une femme de chambre qui serait la tribu des Peuls, africaine. Oui. Ah, Peuls. Autrement dit, dans la famille Strauss-Kahn, Anne Sinclair tricote des pulls et DSK tripote des Peuls. C'est un sourd-muet qui cherche un problème pour régler son handicap. Et on lui conseille un excellent médecin. Donc ce sourd-muet se pointe chez le médecin. Le médecin, conscient de son handicap, lui écrit sur un papier « Déshabillez-vous ». Donc le sourd-muet s'exécute et écrit à son tour sur un papier. Mais pourquoi ? Le médecin lui écrit sur un papier « Déshabillez-vous, faites-moi confiance, je sais guérir les sourds-muets ». Donc le sourd-muet se déshabille et à ce moment-là, le médecin l'encule, mais grave quoi. Et le sourd-muet fait « Ah !» Et le docteur dit « Très bien, revenez demain pour le B ». Lucas, attention, tu as la dernière blague de la soirée. Ça met la pression. Alors, donc c'est une dame un peu, voilà, un peu. Et elle est avec ses deux chiens dans la rue et elle croise un monsieur qui lui paraît sympathique et lui dit « Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez voir mes Saint-Bernard ?» Le monsieur, un peu excité, lui répond « Oui, mais je m'appelle pas Bernard !» Bon, alors, les auditeurs auront compris que ce soir, l'émission était un peu exceptionnelle. Il n'y avait pas les jeux, il n'y avait pas les points, puisque nos Maurice, Bob, qui n'étaient pas là ce soir. Donc, on va pouvoir récapituler un petit peu pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Alors, il y a le candidateur à noter tous les dimanches. Au Théâtre des Feux de la Rampe, tous les dimanches à 20h jusqu'au 30 juin dans un premier temps. Deux rue de Sony, à côté des Folies Bergères, dans le 9e à Paris. Alors, vous avez compris qu'il y a deux solutions. Soit vous avez envie de vous produire et de faire voir ce que vous savez faire. Oui, bien sûr. Et dans ces cas-là, vous venez un petit peu plus tôt. À 17h30, vous venez vous inscrire. Vous venez vous présenter entre 3 et 5 minutes et il n'y a aucun problème. Voilà. Et puis, si vous avez envie eh bien, de venir voir et de soutenir ces jeunes talents, donner votre avis, ben, vous venez au spectacle. En tant que public, vous êtes invité. C'est 10€ l'entrée et 5€ pour les copains. C'est quand même la semaine Claude François. Et je me demande. J'ai dû exister. Non, mais alors, justement, allez, Guillaume Muller. Je me demande si ton cœur est au nord, Si tu fais l'amour le soir quand tu t'endors et toutes ces choses, mais pour toi rien n'a changé. Je t'ai gardé avec moi comme un chanteur malheureux. Alors Guillaume Muller, que vous pouvez entendre plus sérieusement lundi 26 mars à 20h au Kibélé, à Paris aussi. Et je suis toujours enregistré là. Oui, oui, on est toujours à l'antenne. J'ai vu que d'ailleurs sur ton flyer, tu parlais de grand mort malade. Dans ma cité, la vie, c'était pas le paradis. J'étais le seul à avoir des maladies. J'en avais tellement que ma mère, avant de sortir, elle me lisait la liste pour m'endormir. L'ostéochondrodysplasie, la crocéphalosyndactylie, l'anémie de Fanconi, la maladie de Caroli, le syndrome de Kenya-Kigashi et la malformation d'Alol-Kiari. En 15 ans, je suis allé une fois à l'école. Les copains me disaient « T'as eu la rubéole ?» J'ai eu la dysplasie osseuse fibreuse et la adipose douloureuse. Alors on me traitait de fille et de menteuse. J'ai demandé à ma mère si c'est pas vrai que j'ai le syndrome de Fessinger, si j'ai pas l'atrophie optique héréditaire, la dégénérescence hépato-lenticulaire, la lymphadénite nécrosanticitaire, le carcino-carso-walker et la sclérose cérébrale diffuse de Schilder. Moi, j'ai jamais eu peur d'aller à l'hôpital. Ce que j'ai toujours eu peur, c'est de perdre ma carte vitale. C'était grand mort malade. Et là, c'était Laurent Violet. Ah, quelle finale, quelle finale. Bon, alors, on va vous remercier, bien sûr. Et on va pas oublier notre ami Lucas, bien sûr. Ouais. Lucas. Ouais, donc le mardi 10 avril à 20h au Kibélé de temps en temps à Candidator. Merci. Alors, ouais, on va tous vous remercier. Merci à Lucas Véran, Guillaume Muller, René Marc, Gage, qu'on reverra, tu vas venir. Oui, avec grand plaisir. Hey, Laurent, il y a 7 étages, mais c'est quand même sympa ici, t'as vu, tu reviendras. Il y a 7 étages, mais il y a aussi Saint-Étienne. On est pas mal en ce moment. Allez, les verts. Ida, merci à toi aussi d'être venu nous voir. Vous. Merci à Frédéric Coster. Oh, oui, merci. Oui. Oh, merci. Il est fabuleux. Davy pour la réalisation. Ah, ouais. René pour l'intendance. Ouais. Et à l'animation, Liliane Bettencourt. Oui, bah, disons. Bon, alors, trois choses importantes. On va se marrer. C'est sur onvasemarrer.com, les anciennes émissions. L'émission de la semaine sur iTunes. Vous tapez On va et vous tombez sur Se marrer. Et puis sinon, la page Facebook. On va faire une photo, puis il y aura la photo sur Facebook. Ah, génial. Voilà, et puis les anciennes émissions. Merci de votre patience. Merci à vous. Merci beaucoup. Rendez-vous à Candidator à dimanche à Paris. Candidator hey. J'adore. À la semaine prochaine. Yeah. Ouais.